الحمد لله حق حمده وفاه الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، on arrive au point 114. Moi j'ai pas 108. Vous avez quoi vous? 87. كم؟ 87. 87. طيب. الأوتور رحمه الله تعالى يدي وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال ما أحب فعل قوم من أحب فعل قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيه. Si les épreuves arrivent, reste dans ta maison et fuis ce qui est proche de toute épreuve et méfie-toi de cette paresse et tout ce qui amène au combat entre musulmans. Dans ce bas monde est une épreuve. Donc crains Allah, l'unique sans associé, ne sors pas vers elle et ne combats pas pour elle. Ne suis pas ta passion, ne prends pas parti, ne penche pas vers l'un ou l'autre et n'agrée aucune chose de ces épreuves. Car il a été dit, celui qui aime les œuvres d'un peuple, bon ou mauvais, devient comme celui parmi eux qui est eux. Qu'Allah nous préserve, et vous de même de cette maladie, et qui nous éloigne, et vous de même de ces péchés. Sharh explication. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, قال, قوله, la parole de l'auteur, wa idha waqa'at al-fitnatu falzam jawfa baytik. Répète ce passage. Quand la discorde ou la tentation. Si les épreuves arrivent, reste dans ta maison. Reste dans ta maison. إذا وقعت الفتنة وهي القتال بين المسلمين فالزم بيتك. Il dit donc, s'il y a, tu gagnes, épreuve, une discorde, un combat et tuerie entre les musulmans, faut rester dans sa demeure. كف يدك ولسانك لتسلم. Abstiens-toi de participer avec ta main ou avec ta langue pour être épargné. هذا إذا كان ليس لخروجك من بيتك فائدة. Il dit ça c'est dans le cas où le fait que tu sors de chez toi, il n'y a aucun profit dedans. Wala yuqbalu mink. Falzam baytak. Ta parole n'est pas écoutée par les gens. Ta parole n'est pas entendue. Tu ne vas apporter aucune amélioration. Donc, reste dans ta demeure. Amma idha kana li khurujika ma'an nas wa ikhtilatika bihim wa da'watihim ila Allah wa bayan al-haqq fa'ida fakhruj. Dans le cas contraire, tu sors. Dans le cas où ta parole elle est écoutée, dans le fait que tu te mélanges aux gens, ça va affaiblir justement ce mal-là, ça va ramener l'ordre. Il y a un prophète quelconque qui dit, tu sors. Dans le cas contraire, tu restes dans ta demeure. C'est ce qu'on appelle, justement, le fait de se mélanger, ou bien plutôt de se retirer. Est-ce que c'est mieux de se mélanger aux gens, ou est-ce que c'est mieux de se retirer d'eux? Naqul, la réponse à cela, c'est que ça diverge selon les cas. إذا كان في الاختلاط فائدة ودعوة إلى الله وبيان للحق فالاختلاط أفضل. Si quand tu te mélanges aux gens, c'est profitable et ton prêche il est écouté et il y a une amélioration dans la situation, il vaut mieux que tu te mélanges aux gens. وإذا كان الاختلاط بالناس ودعوتهم لا تفيد شيئا فالاعتزال أحسن. Dans le cas contraire, il vaut mieux si tu ne fais que rajouter mal au mal ou bien tu n'apportes aucune amélioration, il vaut mieux te mettre à l'écart. Ça, ça concerne des gens qui ont un minimum de savoir. Par contre, ceux qui n'ont pas de savoir, ceux qui n'ont pas de connaissances de science, ils s'écartent dans tous les cas. Il y a une fitna, il y a une discorde entre les musulmans, il se met à l'écart, il reste chez lui. Li'alla yuftana wa huwa la yadri, afin qu'il ne soit pas sujet justement à cette épreuve ou à cette discorde sans s'en rendre compte. Wala ya'rif, sans connaître. Faljahilu yalzamu bayta, l'ignorant reste chez lui. Amma al-alimu fakama dhakarna min at-tafsil. Par contre, le connaisseur, le savant, celui qui fait effet, qui a des chances de ramener yani, la sérénité, etc., c'est selon l'explication qu'on a donnée avant. S'il y a un profit, tu sors et tu te mélanges aux gens, dans le cas contraire, tu restes chez toi. Qawluhu, l'auteur, rahimahullah, dit « wa iyaka wal asabiyya ». Ça, vous trouvez dans Kitab al-Fitan, dans Sahih al-Bukhari. Il y a des hadiths dans ce sens-là, le fait de rester dans demeure, de ne pas sortir. Cheikh Khalid Abdurrahman al-Misri, il a fait un sharh de Kitab al-Fitan, Sahih al-Bukhari. Non. Qawluhu wa iyyaka wal-asabiyya. Et méfie-toi du sectarisme. Le fait d'être sectaire ou le fait d'avoir de l'alliance et du désaveu dans le tort. Le fait de vouloir soutenir ton opinion, même si elle est fausse. Ou de soutenir ton groupe, ton parti à qui tu t'attribues. Il faut que ton but et ce que tu recherches, c'est la vérité. Et c'est ça ton but, c'est ça que tu veux atteindre. Savoir en kana ma'aka ou ma'a ghayrik. Qu'il soit avec toi ou avec autre. Là où tu vois la vérité, tu l'empruntes ce chemin. Savoir en kana ma'a jama'atik ou ma'a jama'ati ghayri jama'atik. Que ce soit avec les gens qui sont avec toi ou les gens qui sont contre toi. Là où tu vois la vérité, tu empruntes ce chemin. Ij'al hadafaka al-haqqa wal haqqu dallatul mu'min. Ayna ma wajadahu akhadha. Al-haqq. La vérité, c'est ce que recherche le croyant. Là où il la trouve, là où il trouve la vérité, il la prend. Par contre, celui qui reste renfermé, qui reste sectaire, qui reste avoir d'alliance et de désaveu sur des paramètres qui ne sont pas justes, celui-là, et qui rejette la vérité, celui-là, il applique les préceptes de l'époque avant l'islam. ومن عصبيه الجاهليه وليست من الاسلام. Tout ça ne fait pas partie de l'islam, ça fait partie du caractère sectarisme de l'époque avant l'islam. فالمسلم يبحث عن الحق ويتبع الحق مع من كان. Donc le musulman, il recherche la vérité et il recherche la vérité et il suit la vérité là où il la trouve. هذا هو المسلم الصحيح. C'est ça le musulman qui agit conformément au texte religieux. يَجْعَلُ هَوَاهُ تَبَعًا أَوْ تَابِعًا لِمَا جَاءَ بِهَا الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Il fait en sorte de suivre. Il fait en sorte que ce qu'il recherche, sa passion, elle suit ce que le messager a rapporté. كَمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي الْحَدِيثَ الَّذِي فِي الْأَرْبَعِينَ. Comme c'est rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم, hadith qui est dans les 40 nawawi. À la fin, وَصَحَحَهُ النووي رحمه الله تعالى قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لتبعا لما جئت به سبق تخريجه. Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, l'un d'entre vous ne sera pas véritablement croyant jusqu'à ce que sa passion suive ce que j'ai rapporté. Nombre de ulama l'ont rendu faible ce hadith. À la كل حال, le sens. وهذا يصدقه قوله تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. À propos des gens de Bani Israël, les enfants de Israël, à chaque fois qu'un prophète venait avec quelque chose qu'il n'aime pas, une partie des prophètes ou des messagers, il les démentait et une partie il les tuait. Donc le musulman, il doit suivre les textes religieux recherchant la vérité. قوله. L'auteur rahimahullah dit wa kullu ma kana min qital bayn al muslimin ala al dunya fa huwa fitna. Tout ce qui amène au combat entre musulmans dans ce bas monde est une épreuve. Naam, il dit al qital bayn al muslimin la yajuz. Les combats qu'il y a entre les musulmans entre eux sont interdits. Li anna dam al-muslim haram, car le sang du musulman est sacré. Qala sallallahu alayhi wa sallam la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Le sang du musulman ne deviendra licite qu'à travers trois choses. An-nafs bin nafs, l'âme avec l'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui tue un autre. Il y a la loi du talion. Wa thayyib az-zani, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà été marié d'un acte de mariage qui est valide et qui a commis l'adultère. Et celui qui délaisse sa religion, l'apostat, il rentre dans l'islam, après il en ressort. Et le mufariq lil jama'a, il y a plusieurs explications. C'est le mufariq. Il y a une fatha en trop. Al mufariq lil jama'a. Celui qui se rebelle sur les autorités, ou bien d'autres explications à ça. À la kulli hal, il dit fadam al-muslim ma'soum. Donc à la base, le sang du musulman est protégé et sacré. Wa kadhalika dam al-mu'ahad alladhi baynahu wa bayna wali al-muslimin 'ahd. Également le sang de al-mu'ahad. Mu'ahad, c'est quelqu'un qui est rentré dans un pays des musulmans avec une autorisation des autorités. C'est un kafir, un mécréant, qui est rentré dans un pays musulman, pays musulman, à travers une autorisation des autorités, à travers un visa ou bien une autorisation des autorités qui fait goulou, hein, diplomatique, etc. Mohim, bainahum wa bainahum ahd. Ça c'est le mu'ahad. Ou bainahum wa bainahum afrad al-muslimin aman. Ou bien al-musta'man. Al-musta'man c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en guerre, qui vient d'un pays, qui est en guerre avec, les musulmans. Mais cette personne-là, elle a une autorisation également d'entrer dans le pays avec lequel il est en guerre pour une raison quelconque. Ça c'est al-musta'man. Fa'innahu haram al-dam bil-ahdi wal-aman. Cela, même c'est des kuffars, même ils rentrent dans un pays de musulmans, on n'a pas le droit de s'exposer à eux dans le sens de les tuer ou de les agresser ou de les piller ou de prendre leur richesse. Wallahu jalla wa ala yaqul wa la taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq. Allah dans le Coran, dans nombre de versets, il dit ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée si ce n'est de plein droit. Al-Isra, sourate Isra, sourate 17 verset 33. Ce verset là il est venu dans plusieurs sourates, il est venu dans sourate Al-Furqan, il est venu dans d'autres endroits également. Wa an-nafs allati harrama Allah al-an'am également dans d'autres sourates. Wa an-nafs allati harrama Allah hiya an-nafs al-mu'mina. L'âme qu'Allah a rendue interdite ou sacrée, yani qu'on ne peut pas s'exposer à elle, faisant couler le sang, ou essayer de la tuer, ou bien piller ses biens, etc. C'est quoi? C'est un nafs al-mu'mina, le croyant, c'est-à-dire le musulman. Ou un nafs al-mu'ahada, ou un musta'mana. Ou bien le mu'ahad, on a dit, c'est quelqu'un qui est d'un pays, qui n'est pas en guerre avec les musulmans, et qui vient, qui rentre dans, le pays d'islam. Là, il ne faut pas s'exposer à lui. Al-musta'man. Ou bien il vit au milieu d'eux, comme Ad-Dhimmi, il l'a pas cité ici, mais il rentre également dedans. Awil Musta'man, c'est quelqu'un, on a dit, qui est en guerre, qui vient d'un pays qui est en guerre avec les musulmans, mais il a une autorisation de rentrer dans ce pays par les autorités. Également, il ne faut pas, malgré qu'on est en guerre, à la base, on a le droit de le tuer, puisqu'ils sont en guerre, mais dans ce cas-là, non. هذه النفس التي حرم الله فلا يجوز أن تقتل إلا بالحق. Ces définitions, vous les trouvez dans Hadith 14. 40 Nawawi, explication de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, ou bien dans le kitab de Ibn Al-Qayyim, Ahkam Ahl al-Dhimma. Trouvez ces définitions-là en détail. Donc il dit, ce type d'âme, il ne faut pas s'exposer à elle, dans le sens que فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُقْتَلَ إِلَّا بِالْحَقِّ. On n'a pas le droit de s'exposer à elle, de tuer ce type d'âme, si ce n'est avec de plein droit. وَالْحَقُّ هُوَ مَا بَيَّنَهُ الرَّسُولُ بِيَحْدَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِيَحْدَى ثَلَاثُ. Et le plein droit, c'est ce que le messager a cité. Une des trois, imma, qisas, nafsin binafs, soit la loi du talion, quelqu'un qui a tué un autre, eh bien, on le tue également, à travers l'autorité également, et le juge, etc. Wa imma, zanin muhsanun, yurjamu hatta yamut. Ou alors zanin, c'est-à-dire un fornicateur, muhsan, chaste, dans le sens qu'il a déjà été. Marié. Il a déjà été marié auparavant à travers un aqd qui est sahih et il a consommé son mariage. Yurjamu hatta yamut. Yurjamu hatta yamut. C'est-à-dire qu'il est lapidé jusqu'à ce qu'il meure. Wa imma murtaddun yuqtalu li riddati. Ou alors un apostat. Un apostat, c'est quelqu'un qui est rentré dans l'islam et qui en est ressorti. Contrairement à quelqu'un qui n'est jamais rentré en islam, c'est un kafir. يُقْتَلُوا لِرِدَّتِهِ هَذَا الَّذِي يُبِيحُ دَمَ الْمُسْلِمِ. C'est ça qui rend licite le sang du musulman. Ceux qui commettent l'adultère, c'est une condition qu'il ait consommé le mariage ou pas? Salah al-Sheikh dit ça dans Hadith 14, 49 oui. Si le mari n'a pas encore consommé le mariage, il est fauté quoi. Il n'a pas l'application. Il dit, Al-Thayyib, il dit, man dhaq al-usayla, c'est-à-dire il a consommé son mariage, bi'aqdin sahih. Man dhaq al-usayla bi'aqdin sahih. Hada huwa Al-Thayyib. Hadith 14, 40 Nawawi, tu trouves ça. Fik barak al-na'am. On est arrivé où? Un apostat, il va être tué. Hadith an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sahih. Man baddala dinahu faqtulu. Celui qui change sa religion, tuez-le. هذا الذي يبيح دم هذا الذي يبيح دم المسلم ومع ذلك فإن دم المسلم حرام. Sinon, à la base, la racine, la règle de base dans ce sujet-là, c'est que le sang de musulman est sacré. On peut pas s'y exposer. إلا إذا كان هناك بغات أو خوارج خرجوا على المسلمين أو بغوا على المسلمين فإنهم يقاتلون دفعا لشرهم لا لكفرهم. Sauf s'il y a بغات. Donc je vous avais dit, je vous ramènerai la définition, inshallah. Pour la prochaine fois, parce que je ne l'ai pas encore trouvé. Ou bien Khawarij. Khawarij, la secte des Khawarij qui sont connus, qui se rebellent sur les musulmans, ou bien qui transgressent à propos des musulmans. Dans ce cas-là, on les combat. Ça reste des musulmans, sur la parole de la majorité des ulama, que les Khawarij muslimoun, ce sont des musulmans. On les combat. On les combat pas parce que c'est des kuffars, sur cette parole-là, bien sûr, mais on les combat parce que c'est des. Parce que c'est des propagateurs de mal. فيقاتل الخوارج ويقاتل البغات الذين يصولون على المسلمين. Donc on combat les khawarij et on combat le bourat qui bourat ça ressemble beaucoup au khawarij mais c'est moins grave yani. الذين يصولون الصائل c'est ce qu'on avait hier exactement, c'est l'agresseur, les gens qui agressent ils agressent et ils transgressent sur les musulmans. ويستحلون الحرمات يقاتلون دفعا لشرهم. Ils se rendent licites des choses qui sont sacrées. يقاتلون, cela il faut les combattre. دفعا لشرهم, pour repousser leur mal. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. Le messager صلى الله عليه وسلم a ordonné de les combattre. وامر الله بقتال البغات. Et Allah a ordonné également de combattre les bourrats. قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Sourate 49 verset 9. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'entre eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. أمر الله بقتال البغات. Allah dans ce verset il a ordonné de combattre les bourat, et les gens qui justement qui transgressent à ce propos là. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج. Le messager صلى الله عليه وسلم a également ordonné de combattre les خوارج. فقال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. Il a dit là où vous les trouvez. حديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه. Là où vous les trouvez, tuez-les. دفعا لشرهم عن المسلمين. Car ce sont des poisons au milieu des musulmans. هذا التفصيل في قتال المسلمين. Voilà l'explication donnée à propos du fait de combattre les musulmans. Al-aslu annahu la yajuz illa fi halati al-baghi. La base, c'est que c'est interdit de transgresser à propos d'un musulman ou de faire couler son sang. Si ce n'est en état de transgression. Quelqu'un, yabri, c'est un transgresseur. Dans ce cas-là, on le combat. Aw halat al-khuruj an al-muslimin. Ou bien al-khawarij, qui se rebelle sur les autorités musulmanes ou sur les musulmans eux-mêmes. Wa kadhalika idha sala alayka muslimun yuridu akhdha malik. Ou bien un agresseur. Qui veut, même s'il est musulman, qui veut s'accaparer tes biens. Ou yuridu qatlak, ou bien il veut te tuer. Ou yuridu al-fujura bi ahlik, innaka tadfa'uhu bi aysar al-umur. Ou bien il veut abuser de ta famille. Fa innaka tadfa'uhu bi aysar al-umur. Tu le repousses de la manière la plus simple. Wa ashaliha. Fa in lam yandafi' illa bil qatl fa innaka taqtuluh. Si tu ne peux le repousser que à travers le fait de le tuer, tu le tueras. Wa qatluhu hadr. Qatluhu hadr. يعني ليس لا نعم قتله هدر ça veut dire il n'a pas de droit, c'est pas yuqtal et après il y a le qisas ou il y a la loi du talion ou bien il y a le prix du sang, il y aura rien du tout. قتله هدر c'est lui يعني qui a transgressé, toi tu n'as pu le repousser que à travers, comme ce qu'on avait dans le cours d'hier, que à travers le fait de le tuer, donc il n'aura pas de droit derrière en demandant la famille, demandant le talion ou bien demandant le droit du sang, ou demandant ceci, cela. Il n'y aura rien du tout. Naam. Le mécréant à qui tu as le droit de prendre ses biens, en fait, c'est pas n'importe lequel, c'est celui qui t'a combattu, c'est ça? Ça, c'est le harbi. Harbi, le shir, il n'a pas cité ici, parce qu'il ne fait pas partie de ceux que tu dois respecter leur âme. Harbi, c'est quelqu'un qui vient d'un pays de kuffar, et qui combat les musulmans. Ils sont en guerre. Celui-là, tu peux le tuer. Par contre, Musta'man, c'est quelqu'un qui vient de ce pays-là, mais il rentre. C'est-à-dire les autorités ou le gouvernant, il lui demande par exemple de venir ou d'envoyer par exemple une... comment ils disent, hein? Un émissaire. Ah, ouais, un émissaire ou là, quelqu'un. Tu ne tues pas cet émissaire malgré qu'il est en guerre avec les musulmans. Pourquoi il est venu? Pour peut-être une conciliation, pour une, tu vois, une entente avec le... avec le, pour faire une trêve, etc. Celui-là, tu n'as pas le droit de le tuer. Malgré quand, Yannis, si tu le trouves dans son pays, ou bien si jamais il n'a pas ce droit d'entrée, tu peux le tuer normal. Sans guerre, Yannis. Comme eux, ils cherchent à tuer les musulmans, ils cherchent à les tuer. Si lui, ça fait partie d'une armée, mais si c'est quelqu'un qui fait pas... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des recommandations de ne pas tuer les vieilles personnes, de ne pas tuer les enfants, les femmes, etc. Mais sinon, quand il y a le qital, les hommes tuent les hommes, etc. C'est tout à fait légitime. Un harbi, c'est comme ça la règle. Yani. Naam. Donc il dit, femme tout hadr, shma'na. Hadr, vous avez compris, ça veut dire quoi? Aucun droit. Fayhillu damul muslim bis-siyala, bis-siyalati, wal-bari, wal-khuruj, wa qat'i at-tariq. Le sang du musulman deviendra licite à travers quoi? Siyala, yani sa'il, celui qui vient et qui t'agresse, qui veut s'accaparer tes biens, s'accaparer. On a dit à la base, tu cherches pas à le tuer, tu cherches à le repousser, tu cherches à l'écarter, à le faire fuir. Mais si les choses engendrent que tu ne peux pas le repousser si ce n'est en le tuant, tu agiras de la sorte. El bari, donc c'est ce qu'on a vu avant, la transgression, el bourat. El khuruj, c'est el khawarij, ceux qui se sont rebellés clairement contre le gouverneur, etc. Qata' al-tariq, c'est Qata' al-tariq, c'est les brigands qui pillent les gens dans les rues. Ça ressemble beaucoup. Sa'il, c'est quelqu'un qui vient, qui s'attaque directement à toi, ou qui s'attaque à ta famille, ou qui veut s'accaparer tes biens, par exemple chez toi. Contrairement à Qata' al-tariq, il s'expose aux gens dans les chemins. Par exemple, tu vois ce que je veux dire? Ça t'arrive comme ça, une agression et tout. On avait ça hier, est-ce que tu remets aux autorités? Cheikh Rabi hier disait que tu remets aux autorités, même s'ils n'appliquent pas la charia, c'est eux qui sont responsables. Hadith fi bilad l'islam, Allahu alam, dans un pays de kufr, est-ce que tu remets aux autorités ou là? Allahu alam, ihtaj ila su'al. Naam. Hada alladhi yubih dam al-muslim, c'est ça qui rend le sang du musulman halal. Wa dhalika laysa li kufri, pas parce qu'il est devenu mécréant, mais c'est pour le innama daf'an li sharrihi 'an an-nafs. Mais c'est pour repousser son mal dont il est auteur sur toi-même ou bien sur ta famille, ceux qui sont sous ta tutelle chez toi, ou bien pour protéger tes biens. Même tes biens, tu ne le laisses pas s'accaparer tes biens. Tu le repousses même si tu dois rêver au degré de le tuer. بقطع الطريق أو بالبغي بالخروج على المسلمين également la transgression générale parce que ça c'est l'i'tida khas, quelqu'un qui vient qui s'accapare tes biens à toi, etc. C'est d'une manière spécifique à toi, mais sinon il y a la transgression générale, donc c'est les brigands et ceux qui se rebellent sur les autorités, etc. Ensuite il dit l'auteur rahimahullah ta'ala قوله على الدنيا فهو فتنة, c'est-à-dire كل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. Tout ce qui amène au combat entre musulmans dans ce bas monde est une épreuve. Est une épreuve. Dans ce bas monde est une épreuve. أي إذا كان القتال بين المسلمين يجل الدنيا وليس دفاعا عن الأمن أو دفاعا عن حرمة المسلمين أو عن أموال المسلمين وإنما هو لأجل سلب المال وأخذ المال. Ce qu'il y a comme combat entre les musulmans, ce n'est pas pour, comme on a dit avant, protéger sa personne, protéger ses biens, protéger sa famille, etc. Mais c'est pour la vie mondaine, pour les biens de ce bas monde. Il dit, tout ça, c'est فَإِنَّكَ وَإِذَا تَقَاتَلَ الْمُسْلِمَانَ عَلَى الْمَالِ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. Il dit donc, c'est, dans ce cas-là, si c'est pour les biens de ce bas monde, c'est une discorde, c'est une épreuve, c'est une tentation, c'est une fitna, c'est pas bien. Et... Salb el mal, c'est prendre, se saisir d'eux. Man qatala qatilan falahu salabuh fil hadith. C'est-à-dire quelqu'un qui tue un autre, il peut s'accaparer de ce qu'il possède. Salabuh, il le saisit ou il s'en accapare ou il le prend. Ça devient sa propriété. Dans le harbi, bien sûr. Tayyib. Wa idha taqatala al musliman. S'il y a deux musulmans qui se combattent pour les biens de ce bas monde, Al-Qatil wal Maqtul fi an-nar. L'assassin et l'assassiné sont tous deux en enfer. قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les deux musulmans se rencontrent avec leurs épées respectives, l'assassin et l'assassiné seront en enfer. قالوا يا رسول الله ما هذا قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول. Ils ont dit, ô messager d'Allah, celui qui a tué, on sait pourquoi il va en enfer, mais celui qui a été tué, pourquoi il va en enfer? يعني لماذا المقتول يصير بالنار. قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, que l'assassiné avait tout autant de ardeur pour combattre ou pour tuer l'assassin. Ça veut dire que ça aurait pu être le contraire. L'assassiné, il aurait pu tuer l'assassin. Et là, c'est le contraire, c'est l'assassin qui a tué l'assassiné. نيته أنه يقتل صاحبه لو تمكن. Son intention, c'était quoi? C'était de le tuer. Mais c'est l'autre qui a pris le dessus. فصار في النار. والعياذ بالله على نيته واستباحته لدم اخيه فدخل النار. Il s'est rendu licite le sang de son frère, donc il sera rétribué selon son intention, qui était quoi? De tuer son frère. قوله ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها. Toujours القتال بين المسلمين للدنيا. Il y a un combat entre les musulmans pour les biens de ce bas monde. Il dit l'imam al-Barbahari رحمه الله تعالى, il dit, ne sors pas, Kefgal. Ne sors pas vers elle et ne combat pas pour elle. Yani fil fitna. Ne combat pas pour la discorde ou bien la tentation ou bien l'épreuve. Qawluhu wala tahwa wala tushayi' wala tumayil. Ne suis pas ta passion, ne prends pas parti, ne pense pas vers l'un ou l'autre. La tushayi' ahl al fitna. Ne prends pas parti avec les gens qui commettent ou qui propagent la discorde. Wa tu'ayyidhum. وتناصرهم وتدافع عنهم. Ne les soutiens pas, ne les aide pas, ne les secours pas. لأنك تشاركهم إذا دافعت عنهم. Car تشاركهم, يعني tu seras associé à eux, إذا دافعت عنهم. Si tu les défends. وصوبت رأيهم, et que tu dis qu'ils ont raison. ولو لم تخرج معهم. Même si tu ne participes pas, فَإِنَّكَ تُشَارِكُهُمْ فِي الْإِثْمِ وَالْبَغِي وَالْعُدْوَانِ. Tu seras associé à eux dans la part de péché que tu vas prendre et la transgression. وَالْآنْ هُنَاكَ مَنْ يُؤَيِّدُ أَهْلَ التَّفْجِيرَاتِ وَأَهْلَ التَّخْرِيبِ. Il dit aujourd'hui maintenant, il y a des gens qui soutiennent ceux qui mettent qui font des explosions, qui font des attentats, etc. وَيُسَمَّ هَذَا جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ويسمي هذا جهادا في سبيل الله. ديز سي الجهاد. الجهاد يقتلون في المسلمين. يقتلون في المسلمين والمعاهدين. Ils tuent des musulmans et des gens, comme on a dit avant, muahadin, qui ont un ahd, yani ils ont un pacte ou un accord pour rentrer au milieu des musulmans. ويدمرون, et ils détruisent. ويروعون المسلمين. الترويع, c'est le fait de terrifier. Il terrifie les musulmans. Ils disent, et ces gens-là, ou bien les gens qui les soutiennent, c'est ça le jihad fi sabilillah, le jihad dans le sentier d'Allah. Et ils les défendent. Et ceux-là, ils sont pareils. Même s'ils ne participent pas avec leurs armes, etc., ils sont pareils dans le jugement. Pourquoi? Ils les ont soutenus et ils ont dit qu'ils avaient raison. فالمسألة فيها خطر عظيم. Donc c'est pas un sujet à prendre à la légère. فأنت تشاركهم ولو لم تحمل السلاح معهم. Tu seras associé à eux, et même si tu ne portes pas les armes. بسبب أنك تؤيدهم تصوب رأيهم بل أشد من ذلك أنك تصف عملهم بالجهاد في سبيل الله. Le fait de dire que ce qu'ils font, c'est le jihad dans le sentier d'Allah, c'est bien, c'est louable, c'est juste, etc. قوله لوتر دي رحمه الله فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. Car il a été dit, celui qui aime les œuvres d'un peuple, bon ou mauvais, devient comme celui parmi eux qui œuvre. من أحب فعال قوم كان كمن عمله. Celui qui aime les actes d'un peuple, c'est comme s'il a il a fait ces actes là lui-même. فإن كان خيرا فله مثل أجرهم. وإن كان شرا فله مثل وزرهم وإثمهم والعياذ بالله. Donc il dit, Si c'est bien, il a la même récompense. Si c'est mal, il a le même fardeau. ولهذا جاء في الذي يتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلم الناس الخير أن له مثل أجره مثل أجره يا انضم شغلها سفو سينكسر donc il dit c'est pour cela qu'il est rapporté dans le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم que celui qui espère ou qui souhaite plutôt être comme le savant qui enseigne aux gens la science religieuse. Il espère être comme lui, il a la même récompense. والذي يتمنى أن يكون مثل الغني الذي ينفق ماله في سبيل الله يعطى مثل أجره. Celui qui souhaite être comme le riche qui dépense ses biens dans la voie d'Allah, dans le sentier d'Allah, il a la même récompense. على حسب نيته, selon son intention. وكذلك العكس الذي يتمنى أنه يكون مثل المجرم et celui qui souhaite être comme le criminel untel مثل أهل المعاصي يكون شريكا لهم في الإثم يعني il espère être comme untel qui est connu pour tel et tel débauche il a le même péché أو يؤيد رأيهم ويصوبه هو مثلهم ou bien celui qui dit que les gens du tort etc ils sont telle chose elle est quand même bien elle est quand même louable etc il a le même péché même s'il ne fait pas le même acte même s'il ne met pas en application la même chose juste avec l'intention il est associé à eux juste le fait qu'il est penché vers eux etc que la personne prenne garde de ne pas être voué à la destruction sans s'en rendre compte sans le savoir dans ces tentations, ces différents problèmes, ces différents mots, mots shurur, yani M-A-U-X, la tatakallam illa bi khair wa illa faskut. Parle à travers de bonnes paroles ou alors tais-toi. قال المؤلف رحمه الله وأقل وأقل أقل c'est un verbe à l'impératif وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. Et abstiens-toi de regarder les étoiles, sauf pour ce qui va t'aider à déterminer les horaires des prières. Et détourne-toi de ce qui est en dehors de cela, car cela peut t'emmener vers l'hérésie. الشرح explication. النظر في النجوم على قسمين. Le cheikh dit que regarder ou observer les étoiles, c'est selon deux. Il a traduit par étoile. Astre, ouais. Étoile. Ouais. C'est sur deux catégories. يا القسم الأول لبرمير دي كاتيجوري الاستدلال بها على الحوادث الأرضية وهو ما يسمى علم التأثير كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وموت فلان وحياة فلان هذا تنجيم محرم يعني سأعود dans le domaine de l'astrologie en disant que à cause de déplacement de telle étoile ou à cause de ceci cela par rapport aux étoiles et aux astres il va y avoir des vents, il va y avoir la pluie, حدوث الأمراض, comment dire, des maladies vont apparaître, un tel va mourir, un tel va vivre. هذا تنجيم محرم. Ça c'est de l'astrologie, c'est interdit. وهذا مثل فعل قوم النمرود الذين يعبدون التماثيل التي صورها على صور الكواكب. Il dit, ça c'est ce que faisait le peuple de Nomrod. Nomrod, comment ils disent en français? Nomrod. Qui adorait donc des tamathils, des sculptures, qu'ils ont sculptées eux-mêmes, sur des images de, d'astres. Ils les adoraient. Car ils disent que, selon les astres et selon les étoiles, des événements vont se passer. Voilà, yensibuna hadha ila Allah jalla wa ala. Ils disent pas que c'est Allah qui dirige ces choses-là, mais ils disent c'est par rapport à ceci cela. Fa'amilu at-tamathil 'ala ashkaliha wa saru ya'budunaha min dunillah. Donc ils ont sculpté ces astres-là et ils les ont adorés en dehors d'Allah. Tab'atha Allah khalilahu 'alayhi salam fa ankara 'alayhim. Allah il a envoyé Ibrahim 'alayhi salam. Da'ahum ila tawhidillah. Et il a blâmé cela. Il a réprouvé cela et les a invités à unifier Allah dans leurs adorations et délaisser leurs sculptures. وقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Il leur dit, c'est quoi les sculptures ado que vous restez à proximité d'elles, leur vouant des adorations. Sourate 21, verset 52. هذا هو التنجيم المحرم والكفر والشرك. C'est ça, l'astrologie, donc le domaine qui est interdit à propos des astres et de la mécréance et de l'association du kufr et du shirk. فالتنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. ابن تيمية رحمه الله dit que التنجيم المحرم, يعني l'astrologie, le domaine qui est interdit, c'est le fait de dire à cause de l'ahwal al-falakiyya, de ce qui se passe dans, comment ils disent, un autre mot, non, galaxies, non, c'est hein, ouais, voilà, les orbites, les galaxies, tout ce que vous avez dit, c'est juste l'ahwal al-falakiyya ala al-hawadith al-ardiyya, à cause de ceci, cela qui se passe dans le, comme vous avez dit, il y a tel événement qui se passe sur Terre. Un tel y meurt, un tel y vit, un tel kada. Hada huwa at-tanjim al-muharram. Majmou' al-fatawa, ces paroles-là. Hada huwa at-tanjim al-muharram. Ça, c'est l'astrologie interdite. Kama yunsharu al-an fi ba'd al-majallat. Comme on trouve dans des magazines et dans des journaux. Wa ba'd al-jara'id ghayr al-multazima fi safhat at-tanjim wal-hudud. Dans des magazines ou des livrets ou des journaux, etc. Dans la page At-Tanjim wal-Hudud, donc c'est l'astrologie. Hudud, c'est la chance et tout ça. Ça vient de l'Hadd. Ma yulqaha illa alladhina sabaru, ma yulqaha illa du hadd azim. C'est-à-dire l'horoscope. Là où tu trouves, regarde, yani, ils te mettent, regarde ta chance par rapport à ce mois-là, par rapport à ton kfegulo, abrage. Voilà, signe astrologique, regarde qu'est-ce qui t'attend. Wa qira'at al-kaf. C'est-à-dire ceux qui lisent la paume de la main. En disant la paume de la main, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Ou le finjan. Finjan, c'est les tasses. Ceux qui lisent dans les tasses. Ou majbah adalik et d'autres choses. Ceux qui font sur le raml, sur le sable, etc. Il y a plein de sortes de kufriyat dans ce domaine. Kullu hada min a'mal ash-shayatin wa min ash-sha'wadha. Tout ça, ça rentre dans la sorcellerie, dans les actes des diables et dans la... dans la voyance, etc. وهذا كفر بالله عز وجل نسأل الله العافية. Tout ça c'est de la mécréance. Sha'wada, en général, ils disent c'est des gens qui s'attribuent les biens des autres à travers des mais il y a un mohaka charlatan, voilà. Tout ça, ça rentre dans ce domaine-là, charlatan. Ça c'est la première catégorie, l'astrologie qui est interdite. القسم الثاني وهو ما يسمى وهو ما يسمى علم التسيير. La deuxième catégorie, c'est autre chose. بأن تعرف منازل القمر وتعرف مجاري الشمس في السنة. C'est connaître le منازل القمر. C'est la tout ce qui est en rapport avec la lune. Tout ce qui est en rapport avec la lune et également le مجاري الشمس في السنة. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec le soleil dans les différentes saisons et dans les différents moments de l'année. بقصد معرفة المواقيت, pour connaître les horaires. Pour connaître les horaires. Comme مواقيت الزراعة والحرث, les moments où il est louable de semer pour avoir tel fruit ou tel légume. والحرث, c'est le moment de, justement de faire le ramassage, de s'occuper des champs, etc. الحصاد. ومواقيت الصلاة, pour connaître les moments de prière. وقت الظهر كذا, وقت العصر كذا. Yani selon les saisons, selon les moments, selon les mois, selon les jours, l'heure de telle prière, il descend ou il monte, etc. هذا لا بأس به. Tout ça, ce n'est pas blâmable. قال تعالى وقدره منازل يعني القمر لتعلم عدد السنين والحساب. Allah dit dans le Coran, dans surat Yunus, surat 10, verset numéro 5, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre d'années et le calcul du temps. وقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre d'années et le calcul du temps. Et nous avions expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Sourate 17, verset 12. وقال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Et dans un autre verset de Sourate Al-Baqara, Sourate 2, verset 189, il t'interroge à propos des lunes, dit elles servent à compter, à se reconnaître dans le temps, et également pour connaître les mois du pèlerinage. فعلم التيسير أو علم التسيير plutôt لا بأس به. Ça, ce n'est pas interdit, il n'y a pas de problème. لأن فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء. لأن فيه فوائد وليس فيه اعتقاد سيء. C'est pas سيء. Donc il dit, il n'y a que des profits dans ce domaine-là et il n'y a pas de conviction qui est mauvaise. أما علم التأثير وهو الاستدلال بالنجوم لغير ذلك فهذا حرام وشرك. Par contre l'autre, la première qu'on a vue, ça c'est dans mes créances, c'est interdit, c'est du polythéisme. الاستدلال بها على الحظوظ والنحوس والخير والشر هذا الشرك بالله عز وجل. Le fait d'utiliser cela comme حظوظ, ça veut dire un tel, il aura telle bonne chose. Et النحوس, c'est le contraire. في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. Dans une sourate, أيام النحسات, des jours de cuivre, traduis ça comme ça, c'est-à-dire des jours mauvais. Hudud, c'est la chance, et nuhus, c'est malheur, etc. Wal khair wal shar, tout ça c'est du shirk. Wa lihada yaqulu qatadatu, rahimahullahu ta'ala, qatada min al-tabi'in. Il a dit, khalaqa Allahu an-nujuma li thalath. Allah a créé les étoiles pour trois profits, trois choses. Zinatan lis-sama, wa rujuman lish-shayatin. وعلامات يقتدى بها وعلامات يقتدى بها il dit Allah il a créé les étoiles pour trois choses. Zina lissama, c'est-à-dire c'est une beauté dans le ciel. Rujuman lishayatin, c'est pour lapider les diables. Les diables qui viennent prendre des informations dans les cieux, ils se font lapider par Shuhub. Et Alama Turtada Biha, et ce sont des signes pour se reconnaître justement par rapport au chemin, ou par rapport au temps, etc. Faman talaba fiha ghayra dhalika faqad dalla wa ada'a nasibahu. Celui qui recherche. Autre que cela, il s'est égaré et il a perdu ce qu'il recherchait. Et il a cherché à atteindre quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc Allah il a créé les étoiles pour ces trois profits. La première, zinatun lissama. قال تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح. Nous avons décoré le ciel le plus proche. Sama ad-dunya, c'est celui que nous on voit. Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes, c'est-à-dire d'étoiles, et l'avons protégé. Sourate 41, verset 12. الفائدة الثانية رجوما للشياطين. قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. Deuxième profit, c'est lapidation des diables, à moins que l'un d'eux parvienne à écouter, et une flamme brillante alors le poursuit. Sourate Al-Hijr, sourate 15, verset numéro 18. الفائدة الثالثة علامات يهتدى بها في الأسفار. قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. Dans sourate Al-An'am, et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Sourate 6, verset 97. dans un autre verset dans Sourate Nahl, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, à travers les étoiles ils trouvent leur chemin ou ils se guident. هذه الفوائد من النجوم, voilà les profits des étoiles. أما الذي يعتقد فيها أنها تؤثر في الحوادث وأن طلوع النجم الفلاني وقت السعادة وطلوع الثاني وقت شقاء فهذا كفر بالله عز وجل. Voilà les profits qu'on tire des étoiles. Par contre, celui qui pense que à travers les étoiles on connaît le malheur et le bonheur d'un tel et d'un tel, ça c'est de la mécréance. قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم. Donc dans sourate Al-Waqi'a, à la fin, verset numéro 75 à 82, il dit: je jure par les positions des étoiles dans le ciel, et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez, c'est certainement un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Ay tansibun ar-rizqa ila an-nujum wa tulu'iha wa ghurubiha, c'est-à-dire que vous attribuez la subsistance comme quoi c'est à cause de telle étoile qui s'est apparue, telle étoile qui a disparu. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الصبح بالحديبية قريبا من مكة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dirigé la prière du matin, du Fajr, à l'Hudaybiyya. L'Hudaybiyya, c'est à la limite du Haram. Quand tu rentres dans l'Hudaybiyya, tu es sorti du domaine sacré de la Mecque. قريبا من مكة, à la proximité de la Mecque. صلى بهم الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل, كانت بالليل. Juste après, سماء ici, c'est pas ciel. السماء يطلق عند العرب ويراد به المطر. السماء c'est un mot qu'ils utilisent pour la pluie également, c'est-à-dire على إثر سماء كانت بالليل. هذا الحديث موجود في كتاب التوحيد, vous le trouvez. Après une pluie nocturne. ثم انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم فقال كما في الحديث القدسي, il a dit, le prophète صلى الله عليه وسلم, il leur a dit après cette prière, قال الله تعالى, Allah a dit, أصبح من عبادي مؤمن وكافر. Il y a parmi mes créatures qui au matin sont croyants et d'autres qui sont mécréants. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. Celui qui a dit nous avons été, et la pluie est descendue par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Ça c'est l'invocation qu'il faut dire quand il pleut. Quand il y a la pluie, il faut dire cette invocation comme il y a dans la citadelle. C'est un croyant, il croit en moi et il est mécroit, c'est-à-dire il n'a pas la conviction comme quoi c'est les étoiles qui ont fait descendre cette pluie, etc. واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. Et celui qui dit que la pluie est descendue à cause de tel astre ou tel astre, il mécroit en moi et il est croyant à propos de الكوكب. Et ça c'est une phrase qui est restée مثلا عند الجزائريين يقولوا طاحت النو. النو ça vient de ça et c'est une conviction qui est mauvaise. C'est des termes qui sont restés chez eux et qui sont كاين النو يقولوهما même le mot قلبوه الدرجة تاعهم. نعم مطرنا بدو كذا وكذا. Donc ça c'est faut essayer de l'enlever. Les anciens me disent, ils le disent beaucoup, hein. فالمطر ليس من تأثير النجوم, la pluie ne vient pas à cause des étoiles. طلوعها وغروبها طلوعها وغروبها وإنما إنزال المطر من الله جل وعلا هو الذي ينزله ويقدره ويسيره ويحبسه إذا شاء. Tout ça vient d'Allah. La pluie, c'est lui qui l'a fait descendre, c'est lui qui l'arrête quand il le veut. قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. Et c'est lui qui fait descendre la pluie quand il après que les gens ont désespéré et il propage sa miséricorde. Sourate 42 verset 28. وقال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. 5 choses dans ce verset là, 5 أمور لا يعلمها إلا الله, que Allah qui les connaît. ومنها إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. Là parmi celles-ci, le fait de faire descendre la pluie, il n'y a que Allah qui sait cela. ومنها إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله والذي ينسبه لغير الله مشرك. Celui qui l'attribue à autre qu'Allah est un mushrik. le verset. Allah, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. C'est lui qui l'a fait, qui fait tomber la pluie salvatrice. C'est lui qui sait ce qu'il y a dans les matrices. Et personne ne sait ce qu'il acquerra demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc, le cheikh dit que celui qui attribue la descente de pluie ou autre à autre qu'Allah, c'est un mushrik. On va s'arrêter là, Inch'Allah. D'accord. Quelqu'un a une question là-dessus ou il veut rajouter quelque chose? Une invocation là, tu l'as dit après la pluie, non? C'est quand la pluie elle descend. Et mutarna bi fadlillah wa rahmatih, c'est après la pluie. Naam. هذا هو العلم عند الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك